Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Et tous les dimanches, entre 18h et 20h, c'est parti pour Skyrock Classics, l'émission avec les meilleurs sons de Skyrock, les numéros 1 d'hier. On se refait tout ça, j'espère que votre semaine de rentrée s'est bien passée. On se détend tranquillement en ce dimanche avec les plus grands classiques de Skyrock, parmi lesquels ce soir on va retrouver du Coolio, du Kerry James, du Wyclef Jean, du Rof, du Timbaland, du Ciara, Shingy, Black Eyed Peas. Restez bien à l'écoute, hein. Y a aussi Will Smith qui va se préparer, Sefiu ou encore Jay-Z. On attaque l'émission maintenant. Premier sur le rap, premier sur les classiques. Avec Nas, voici The Message. Il y a Coolio juste après, 1, 2, 3, 4. Et puis Kerry James, 9-4. C'est le Barça, c'est Maxime avec vous. Et si vous voulez. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Premier sur le rap. Vous n'avez pas fini ma phrase. Si vous voulez réagir à l'émission, c'est le hashtag Skyrock Classics KLA de SIKS sur tous les réseaux sociaux. Save your breath. You got nothing on me. You know it, I know it. I'm changing dollar bills, that's all. You want to waste my time? Okay. I call my lawyer. He's the best lawyer in Miami. He's such a good lawyer that by tomorrow morning, you're going to be working in Alaska. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You freak niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. 96 ways I made out. Montana way, the good F-E-L-L-A. Verbal AK spray, dip the tattoo. Jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Zay, making mad cashes. Clay, red dot plots, murder schemes. 32 shotguns, regulate with my thun. 17 rocks gleam for one ring. They let me let y'all niggas know one thing. It's one life, one love, so there can only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen, and terror spinning on millenniums. 20G bets, I'm winning them. Threats, I'm sending them. Lex with TV sets the minimum. Ill sex, adrenaline, party with villains. A case of demisec to chase the henny, wet any click with the semi-tech who want it. Diamonds, I flaunt it. Chicken heads flock, I lace them. Fried broil with basil, taste them. Cracking legs way out of formation. It's horizontal how I have them. Fucking me in the Benz wagon. Can it be vanity from Last Dragon? Grab your gun, it's on though, shit is grimy. Real niggas bucking broad daylight. With the broke Mac, it won't spray right. Don't give a fuck who they hit, as long as the drama's lit. Yo, overnight thugs bug cause they ain't promise shit. Hungry ass hooligans, stay on that piranha shit. I was in a Jeep, sunk in the seat, tinted with heat, beats bumping. Across the street, you was wildin', talking about how you ran to Allen in 89. Laying up, playing the yard with crazy shine. I caught the baby now, that nigga's gravy mine. Clinked him, what was he thinking on my corner when it's baby time? Dug him, you owe me cousin, something told me plug him. So he come, felt my leg burn, then it got numb. Spun around and shot one, heard shots and dropped, son. Caught a hot one, somebody take this biscuit before the cops come. Then they came asking me my name, what the fuck. I got stitched up and went through, left the hospital that same night, what. Got my gap back, time to backtrack. I had to drop, so how the fuck I get clapped. Black was in the Jeep watching, all he seen speed by was a brown Datsun. And yo, nobody in my hood got one. That clown niggas through, blazing at his crew daily. The bridge touched me up severely, hear me? So when I rhyme, it's sincerely yours. Be lighting L's, sipping calls on all floors of Project Halls. Contemplating war, niggas I was cool with before. We used to score together, uptown, copping the roar. But a thug changes, and love changes, and best friends become strangers. Word up. To them niggas that's locked down, doing they thing, surviving, you know what I'm saying? To my thorough niggas, New York and worldwide. Yo, to the Queensbridge Militia, 9-6 shit. The firm click, Illmatic nigga, it was written though. It's been a long time coming. Y'all fake niggas trying to copy, better come with the real though. Fake ass niggas, yo. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. This is some of the lingua franca of the funk business.

Wyclef Pryor, well, my man Little Bass, Jerry, one time. This is how we On remonte le temps avec la playlist de Skyrock. Playlist éternelle, c'était les Fugees à l'instant dans Skyrock Classics, Killing Me Softly. Et si vous kiffez les Fugees, il y a un membre des Fugees qu'on retrouve tout de suite avec Mary J. Blige sur le même son. Il s'agit de Wyclef Jean et Mary J. Blige. 911 sur Skyrock. Passez un bon dimanche soir avec Skyrock Classics. Juste après du gros son marseillais, la FF, Funky Family, c'est Art de Rue. Et Snow Informer sur Skyrock. Dimanche, 18h-20h, c'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. If death comes for me tonight, girl, I want you to know that I loved you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. Tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Yeah. If this is the kind of love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullets in my heart. Breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale.

Informe, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, slam somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informe, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, slam somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are the men who come in and they blow down my door. When you can pass through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination is, and out of east detention. Where the look at my pants, look at my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Keep on bum down, so big on them, they think they have more power. They on the phone, miss the dead one, I want. If I want to use the ones, and now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. I'm in love, I'm in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have them, it's a tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like keep on bum down. Take the man that says that I'm a stomach, stab somewhere down the lane. I like keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, but the rock on steady. They say that I'm a stormy, I had to cut down. But I'm not in and I have to dance, I mean, say where you come from. People them say I come from Jamaica. But me born and raised in the ghetto, don't know what you know. Pure black people, man, is all I'm on. My shoes and them tear up and I'm your toes just to show up. With me a ballin' on the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat, and now I'm can't board dogs. You say that I'm a snow me, I go region at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snow me, stop stumble down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? Worry, worry. Been sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm back. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. On passe un bon dimanche soir tous ensemble avec Skyrock Classics, l'émission avec les classiques, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. C'était Snow avec Informer à l'instant. Et moi, je vous informe que demain matin, toutes les 30 minutes, vous allez pouvoir choper 1 500 € cash dès le réveil. Si vous répondez Skyrock dès qu'on parle au radio au téléphone, ça se passe avec D-Fool, le morning qui est de retour depuis lundi en direct. Et attention, si vous voulez vous inscrire, largement augmenter vos chances de choper les 1 500 €, ça se passe par SMS. Vous envoyez 1 500 au 720 20, 1 500 au 720 20, et ce sera 1 500 € cash demain matin. Si on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock et le chèque sera pour vous toutes les demi-heures. Soyez là à partir de 6h avec D-Fool et toute l'équipe sur Skyrock. Skyrock Classics, on y retourne maintenant. Il y a Gangstar qui se prépare pour Full Clip, ROH2F Rof, le gros son du 9-4, c'est la puissance, et Arsenic avec Doc Gynéco. On l'écoute tout de suite, c'est Affaire de Famille. Oh, ya ya, vas-y, fais. Oh, ya ya. Et voilà. Yeah.

tu ressens, c'est pas le son, mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap, sans trop le choc. Les amis, on les choque, les ennemis, on les pas choque. J'compte sur Dieu et mon matchstock. Trop chaud pour les vieux schlocks. Charreur dit, mon rap a mis la rue en cloque. J'reconnais mes petits, qui veut mettre à la monde, servir à d'exemple. Tellement j'la renfoie, la jalousie t'a invente de ces conneries. Axe à Jacques, ça chatte, l'impact du succès. J'en profite pas, même quand y'a de la chatte. Mon compte en banque est moins blindé que mon bloc-note. Pourtant, j'ai assez d'euros pour être joyeux avec les menottes. Pas besoin de faire de talk show, juste une couverture. Sans être parti, j'reviens manger, changer les couverts. J'rappe un visage découvert. Le parisien m'a crié, mais des lunettes de soleil au concert, ça va briller. Bébé, ça va crier. J'rappe mieux que toi et c'est pas de l'oublier. J'casse des murs, les putains de rap de l'immobilier. J'frappe toujours le premier, à quoi bon sert discuter. On t'aime pour ce que t'as, on déteste pour ce que t'es. J'me suis fait tout seul, j'traînais pas tout seul. J'me fais la place et marque tout seul. J'ai de leçons à recevoir, personne. Pour m'en sortir, y'a classique. Les sports violents, l'illicite, et j'enchaîne les classiques. Y'a pas d'il à surplus, ce que je fais c'est du surplus. Et même mes habitudes ne me suivent plus. La puissance, c'est que j'arrive sans la rage de vivre. J'respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. On m'aime, on aime, déteste. Plus j'ai mal, plus j'progresse. Le temps dresse, le temps presse. Si j'pars, ma musique, elle reste. La puissance, c'est que j'arrive. Skyrock Classics, Classics, Kayla 2SIKS. I rent a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you go want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there. I want you there, yeah.

Dimanche 18h-20h, les éternels de Skyrock en version originale. L'émission s'appelle Skyrock Classics et on se refait les sons qui ont fait l'histoire et le succès de votre radio préférée Skyrock, bien sûr, avec Shingy qu'on écoutait à l'instant. C'était One Call Away. Il est 19h03 et vous tweetez grave hein, avec le hashtag Skyrock Classics. KLA2SIKS. Il y a François Bouillet qui nous dit quel bonheur d'écouter Skyrock à 7h. Hashtag retour aux sources et Hello aussi qui est toute contente. Skyrock Classics, c'était l'émission qu'il fallait pour me faire réécouter la radio. Bah t'as tort, tu devrais écouter Skyrock toute la journée, ça déchire comme radio. Et en plus, on est reparti pour une nouvelle heure de son tout de suite. 100% classique avec Pras Mitchell, Old Dirty Bastard. Voici Ghetto Superstar. Juste après, c'est Justin Timberlake sur le son des Black Eyed Peas. On écoute Where is the Love, une découverte Skyrock, hein, les Black Eyed Peas. La première fois c'était ici, avec Where is the Love, on l'écoute tout de suite. Et 113 juste après, au summum. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Ways and means, the supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomat immunities, no time for a visa. It just begun, I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the D-Lo. Being a senator behind closed doors, hitting truth to the sea floor. The rich don't know, ignore the tug of war. While the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got his day, needless to say. When the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around your fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of parade. Kick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais? Come on, when you thought it was safe in a common place. Showcase your finest, lose a pass on the horse race. Two vase, getting D-vase out like Scarface. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. But it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood.

Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Compte déjà la gouache des 12-13 ans. La merde qui leur pend au nez. Et vivent l'instant présent. Certains ont le mauvais train de vie. Se sont trompés de wagon. Se mettent à bosser à la chaîne comme à Saigon. Taïwan. Ça se ressent comme la Marie-Jeanne. Si t'es pas d'accord, sale con. On râle toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis. Sur tout terrain numéro 10. Avec le cœur, on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie, sous les novices. Comme le quartier au risque actif, comme la balistique dans l'autre ville. Je raconte les faits, je suis quartier. Comme un pit sans muselière. On se voit mal finir notre carrière comme Jordan à 40 piges. Spécial haute voltige, c'est comme tes deux doigts dans la prise. Les deux pieds dans la crise, au summum, le ghetto et la cerise. Comme une arme bien huilée, avec du charisme on prend le blé où il est. Classique, 18h-20h. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4". I wish I was like 6'9", so I could get with Leo. She cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go. And even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked. And in some cases, never picked it off. So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black. While the jocks get the fly girls and me, I get the hood rats. I tell them scat. Skittles, kabobble. Got hit with a bottle. Was in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses. Like quick, quick, got sick, sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. I wish I had a brand new car. So far I got this hatchback, and everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And if you wanna know what's really whack, see, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know I take the 110 to the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. my kids ghetto name, Little Mookie, Big Al, Lorraine. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" parlor. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" parlor. Dimanche 18h-20h uniquement sur Skyrock, c'est Skyrock Classics avec Skilo qu'on écoutait à l'instant. C'était I Wish, il y a Cool Shane qui se prépare, Un ange dans le ciel, Jay-Z également avec Hard Knock Life et vos messages, ça fait super plaisir, vos tweets, ça tweet dans tous les sens, on en était d'ailleurs. Avec Evas qui nous envoie, ah le meilleur moment de la semaine c'est Skyrock Classics, et il y a aussi Clem Samaras qui nous dit les Skyrock Classics c'est vraiment remotivant. Bah tiens, un classique qui déchire maintenant à écouter, c'est qui? Snoop Doggy Dog. Alors qu'est-ce qu'on attend? Eh ben on attend pas, il est là. What's my name, Snoop Dogg? Snoop Dogg sur Skyrock, c'est What's My Name, Cool Shen, Jay-Z et puis DJ Kops aussi avec Mama Lova. Ça se prépare, c'est sur Skyrock et c'est jusqu'à 20h, Skyrock Classics. Skyrock Classics, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dogg, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Cause 9 Triz ain't the year's there for me to quiz out my grip. So I ain't holding nothing back. And once again, I got 5 on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a food on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. Hold up, what's my name? It's the bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yowling. Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day. And I'm right back up in you with Dr. Dre. And like I said, none of y'all can get with this. And none of y'all can get with that. And I just dropped, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the undercover cop. Tick tock, now by the clock, just some nuts and a cop. Rob you for your ears, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the smoke. Cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Hands way up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your step. Why? Cause doggy's on the gank. My bank goes on swole. I'm still on hit legit, now I'm on parole. Stroll with the dog pound right behind me and rolling with my. That's where you might find me. Linging that G thing. She wants the G with the biggest sack. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, fool? Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. Chers Vivi, t'écris cette lettre, plein de solitude, l'âme en peine comme d'habitude. Puis que t'es parti, puis que t'es plus là, c'est plus la même. J'ai perdu ma reine, et d'un coup mon royaume tout entier s'est vidé. Mon visage aussi s'est ridé, mon cœur lui s'est bridé. Un truc en moi, ce matin là s'est brisé. Et même si je réponds, ça va merci, j'ai dans la bouche comme un mauvais coup d'inertie. J'essaie de le masquer, mais c'est dur Vivi, je te jure, ouais, putain c'est dur. J'ai l'impression qu'il y a plus rien, j'ai peur en fait. Puis que tes yeux me regardent plus, il se passe plus rien, j'ai peur. Même trop, je le sais, ouais. Et ça, je le vis mal, j'enchaîne les merdes. Et t'es plus là au final, il me reste quoi, moi, hein. À part des souvenirs, des tonnes de photos usées. Et puis ton sourire, trop longtemps figé. Je peux plus, ou plus pareil. Alors chaque jour, je me tue même un peu plus que la veille. Je tue le temps, parfois mal, là où tu le sens, je le sais. Mais tu manques, bébé, tu manques. Un ange dans le ciel. Ouais, Seigneur, accueille un ange de plus. Un ange dans le ciel. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume. Toi et moi, on a tout fait. Toujours prête à me donner ton oxygène. Dans les moments où tu sentais que j'ai tout fait. T'étais prête à tuer si on me touchait. Prête à décrocher la lune même si je la voulais. On a grandi ensemble, construit ensemble. Traversé les pires moments, vieillir ensemble. C'est ce qu'on voulait. Même si on n'était plus ensemble, on s'en foutait. C'est ce qu'on visait, te rappelle nos fous rires. Nos premiers instants, ton sourire. Les moments de silence qui voulaient tout dire. On pouvait se nourrir l'un de l'autre. Ouais, tellement j'étais toi, t'étais moi. Et ça, nos proches en étaient témoins. T'étais ma vie, mon cœur et mon sang. T'étais mes tripes, mon moteur et mon sens à tout ça, alors puis-je tout le temps. Parfois mal et de là où tu le sens. Je le sais, mais bébé tu mens. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Vivi, je te crois, je dis adieu, mais à plus. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part qu'il n'y a pas qu'à moi que tu manques. C'est un gouffre que t'as laissé, Vivi. Tu sais qu'aujourd'hui il n'y a pas que mes nuits à moi que tu hantes. Pour pas tout aussi, il n'y a plus d'été. Mais... t'en fais pas Vivi, non. T'en fais pas, on va relever la tête. Je sais que t'aurais voulu nous voir plus fort. Alors on va faire ce qu'il faut pour s'en remettre. Bébé t'inquiète. Un ange dans le ciel. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Un ange dans le ciel. Vivi, je te crois, je dis adieu, mais à plus. Un ange dans le ciel. Un ange de plus. Un ange dans le ciel. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma. Dis adieu, mais à plus. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma plume. Skyrock Classics. Take the bass line out. Uh-huh. Jiggle. Uh-huh. Bam. Uh-huh. Yeah. Let it bump though. It's a hard knock life. Uh-huh. The corners popping to driving some of the hottest cars New York has ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell. But since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots, and if you with me mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready.

down to some niggas that's greater than you. Yeah, tell you something. Gangsters make the world go round. So you ain't got the clown. But if you live on the west side of your town, make them other fools bow down. West Side Connection. The world belongs to us. Bow down. Bow down. Bow down. Bow down. When you come to our town. Bow down. When we westward bound. Bow down. Premier sur le rap, premier sur les classiques. C'est ce qui se passe tous les dimanches entre 18h et 20h uniquement sur Skyrock. C'est Skyrock Classics, l'émission qui déchire tout avec Westside Connection. On écoutait Bow Down à l'instant avec vos messages sur le Twitter. C'était Gadel qui nous expliquait comment passer un bon moment en écoutant Skyrock Classics. Il y a aussi Marion qui était connecté, remonté dans sa voiture après la salle de sport et entendre Skyrock Classics. Quand tu allumes le moteur, c'est magique. Et Angélique, dernier message, c'est Skyrock Classics. Ça me rappelle mes heures TN, pantalon dans les chaussettes et banane Lacoste. Hashtag je kiffe. Voilà, Stéphane, le HUS, on file aux États-Unis maintenant. Ouais, moi ça me rappelle quand j'ai écouté l'émission. Tout à l'heure, j'ai entendu Young Money, qui était le collectif qui était initié par Lil Wayne, ouais. D'ailleurs. C'était classé numéro 1 du Hit US à l'époque, ce son-là de Young Money. Il y avait notamment Drake à l'intérieur, il y avait notamment Nicki Minaj. Ouais. Et Lloyd aussi, c'est le gars qui chante sur le titre. Et Lil Wayne d'ailleurs, qui a annoncé là, c'est une info, il faut prendre des pincettes avec Lil Wayne, hein, parce qu'il peut tout se passer. Mais il a mis une parenthèse à sa carrière, Lil Wayne, ce week-end. Là, c'est les infos qui sont tombées sur les réseaux sociaux, donc il y aura plus d'infos, bien sûr, en écoutant Skyrock. On va se renseigner. Faut rester branché, on est premier sur Lil Wayne. Eh ouais, premier sur les sons US aussi. Allez, c'est parti, Maxime. Ça marche, Steph, bonne soirée. Ouais, c'est parti, on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.